figurante t'es pété. Je leur ai dit non, j'suis pas pété. Ben non, j'ai juste bu quelques verres vite fait. Je dois pisser, faut que je trouve un coin discret, tout près d'ici. Sinon je vais me perdre moi. En plus j'ai fumé de l'herbe, je fous de la merde, ouais je suis comme ça moi. Et puis je parlerai de mon ex, puis je parlerai de ses fesses. Bref, il faut que j'arrête. Donc je dessous sur chemin du retour, je rencontre une pute de Roumanie. Cheveux courts, string, je peux courte, réclame un facial tsunami. Mais pour de la money, donc c'est non. Car j'en ai pas, sinon serait oui. Je gratte pour une gâterie gratuite, mais elle me dit non. Sale pute, ce que je réponds, bah oui, mais après ça, ça dérapait. Je l'ai insulté, son mac est arrivé pour me tabasser. Un grand black baraqué, je peux dégrader. Bah, deux, trois coups plus tard, du sang coule sur le trottoir. Mais c'est pas le mien, ni celui de la putain, mais du black qui a reçu un pain qui se plaint d'avoir un mal de chien pendant que l'autre chiale. D'ailleurs, pourquoi tu chiales? T'as plus de mat, donc je vais te l'enfoncer profond jusqu'aux cordes vocales, elle stresse. Devient toute blanche comme ses fesses, a peur que je l'agresse, en détresse. Je lui dis t'inquiète, viens dans le bendoc, je te montre Django en vrai. Qu'on rigole un peu, toi et moi, qu'on se bichonne un peu, toi et moi. Allez, viens par là, suce-moi pendant que je siphonne une petite corona. À peine que j'introduis, je crie, je jouis, oh oui, oh oui, oh oui. Je lui dis prends dans ta gueule ton facial tsunami, ami, ami. L'érection reprend, par derrière je la prends, y'a trop d'espace dedans. Je constate qu'elle a la chatte plus grasse que le bande de B.I.G. Fais chier, je suis dégoûté, donc je sors son trou. La meuf dit qu'est-ce que tu fous, je suis pas assez bonne pour toi. S'il te plaît gars, viole-moi jusqu'au bout. D'accord, si t'insistes, elle me dit je dirais pas un nom pour un fils non plus. Je dis quel genre de pute que t'es, elle me dit une qui baise avec son fils dans la rue. What the fuck, putain de bordel de merde. Elle me dit si si ouais ouais, donc je suis ta mère. Et t'as pas changé d'un poil plus bien, ça c'est clair. Je t'ai reconnu quand j'ai posé ta verge sur mes lèvres. Je recule d'un pas puis d'un autre. Je crois que je deviens parano. Mon cœur se serre, de la tension je perds. Je tomberai d'un moment à l'autre. Je me réveille sur un lit blanc, dans des draps blancs. Les murs sont blancs, je suis entouré de blanc. Et un black habillé en blanc qui demande comment je me sens. Monsieur Dance, vous m'entendez? Si vous m'entendez, clignez deux fois des yeux. D'accord, je suis le docteur Léonard Bamitigod. En quelques mots, vous avez été victime d'un transfert d'âme appelé expérience de Walkin. C'est en quelque sorte une entente entre deux âmes. L'âme qui est dans le corps décide qu'elle ne peut plus continuer de vivre. Et au lieu de faire mourir son corps, une autre âme va continuer de vivre sa vie à sa place. Comme vous avez pu le constater, votre âme a été victime d'une tentative d'échange. Mais si le transfert va à la chose, ça va être une seule et unique chose. Le walk-out permet d'être capable de reproduire la chose qui vous caractérise le plus dans votre monde. Et je suis content de dire que votre flow, Monsieur Dems, vous a sauvé la vie. Je vous garde encore une petite seconde. Afin d'éviter qu'elle se réalise en plus. Je vous ai prescrit en attendant la mixtape calme de Damso. Et Jackpot du groupe Obichi. Je vous revois dans quelques heures. Reposez-vous. Et à tout à l'heure.